soleil passe à l'horizon, la nuit s'installe dans la maison. Reste un peu de jour dans le salon, un trou de silence dans ma raison. Quelques glaçons sur mes passions, c'est un peu froid pour la saison. Mais je sais qu'ailleurs il y a des avions qui volent en l'air au-dessus de la mer. Car l'âme brillante piège à lumière. Mais je sais qu'ailleurs il y a des avions qui volent en l'air au-dessus de la mer. Car l'âme brillante piège à lumière. Chez moi il y a bien une table, un verre, on ne peut pas dire que ce soit l'enfer. Juste peut-être un peu désert, comme une envie de ne rien faire. En contre-jour vole la poussière, mes fins de journée sont douces, amères. Mais je sais qu'ailleurs il y a la mer qui regarde passer les avions, bien au-dessus des hémisphères. Mais je sais qu'ailleurs il y a la mer qui regarde passer les avions, bien au-dessus des hémisphères. Chez moi y a même un frigidaire qui tient au chaud l'alcool bien froid. Voyage de cache-misère, passeport liquide, billet qu'on boit. C'est l'aventure au coin de chez moi. J'aimerais partir, oui, bien des fois. Mais je sais qu'ailleurs, il y a des avions qui voient d'en haut toutes les mers. Dans ma valise, il y a mes affaires. Mais je sais qu'ailleurs, il y a des avions qui voient d'en haut toutes les mers. Dans ma valise, il y a mes affaires. Le soleil passe à l'horizon, la nuit s'installe dans la maison. Reste un peu de jour dans le salon, un trou de silence dans ma raison. Quelques glaçons sur mes passions, c'est un peu froid pour la saison.